18h sur Fadjet et j'ai oublié de baisser le son de mon micro. Voilà, c'est ça de faire le malin. Bonjour les chroniqueurs. Bonjour l'animateur. Oh, ça me fait plaisir qu'il m'appelle l'animateur, j'aime bien. Redis-le. Bonjour l'animateur. Ah, merci on se Charles. Quand même, hein. Eh ben je vais commencer par Charles, comment tu vas? Eh ben moi je vais vite. Attends, il m'a demandé comment je vais aller. Ça fait 3 émissions maintenant, il faut que je demande. Ah bah tant mieux si ça va. Camille, comment ça va? Ça va très bien et vous tous? J'ai cru que t'allais me vouvoyer, ouais, c'est non, pas grave. Parce que ça fait longtemps que je me rends compte que je te demande toujours à toi, et du coup je me dis, mais les voisins, comment ils vont? Eh ben, ils répondent pas, les voisins. Ils vont, ils vont. Mélie, comment tu vas? Eh ben, moi ça va super. Mais je vous demande pas comment ça va, parce qu'on vous l'a demandé 3 fois. Donc, ouais. Comment ça fait beaucoup. J'imagine que vous allez bien. Allez, alors maintenant je vais vous lancer un défi, vous avez 30 secondes, pas chacun, au total, pour nous dire de quoi vous allez parler aujourd'hui. Allez, dépêchez-vous, vous avez 30 secondes. Vas-y, Mélie. Alors, moi je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a pas longtemps au cinéma qui s'appelle Les Illusions Perdues. Impeccable. Vas-y, Camille. Ouais, moi je vais vous parler des alentours de Milan. D'accord, et ben moi je vais vous jouer à Question pour un gamer. J'ai cru que t'allais jouer à la question. Vous êtes fort, vous avez même 20 secondes. Eh, mais on est trop fort, on est trop fort. Et bah, rapide comme la musique. Et bah, du coup, on va commencer par ce que Camille nous a annoncé, les alentours de Milan. Et Milan, en fait, mais j'étais prise dans le stress, j'ai dit n'importe quoi. Ah oui, donc en fait, tu nous as menti. J'ai les auditeurs là en bas de la station qui sont en train de dire oui, elle a dit qu'elle parlait des alentours. La Lombardie, voilà. Enfin, oh, la Lombardie, quelle belle région. Allez, jingle. 18h, 19h, la voisinade sur Fadjet. Camille vous fait voyager. Camille vous fait voyager et nous fait voyager et surtout me fait voyager. Alors Camille, tu nous parles de Milan aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que comme tu le sais, nous y sommes allés. Ah oui, je crois qu'il sait. On va quand même préciser pour les auditeurs, nous sommes ensemble dans la vie. Voilà, donc forcément, nous ah bon sommes partis ensemble. Ah ouais? Ouais. Oh, j'étais pas au courant. J'avais envie de vous parler de Milan, mais pas seulement, j'ai quand même envie de vous parler de Côme, parce que c'est la partie du voyage que j'ai préférée. Donc en fait, c'est une petite ville qui est à 45 km au nord de Milan. Et c'est rapide en train, c'est pas cher. En fait, vous avez pas d'excuses pour pas y aller, parce que c'est pratiquement aussi loin que l'aéroport de Bergame où en fait on arrive pour aller à Milan. Oui, donc en vrai. Fait, pas d'excuses pour pas aller à Côme. Donc en fait, Côme, c'est vraiment à la frontière suisse. On sait pas trop si on est en Suisse ou en Italie. Et d'ailleurs, cette zone, elle est marrante parce qu'on a un petit lac pas loin qui est vraiment entre la Suisse et l'Italie. C'est le lac de Lugano et qui est en à cheval entre les deux pays. Voilà, c'était la petite anecdote. Je me disais, le lac de Côme, c'est pas un petit lac quand même. Non, non, mais pour le coup, ça va. C'est pas le même, d'accord. Non, bah d'ailleurs, alors c'est marrant, le lac de Côme, justement, ça me fait rire qu'on l'appelle le lac de Côme parce que je sais pas si vous avez déjà regardé sur une carte, oui. Mais en fait, il touche Côme que pas sur. À Côme. Bah, si, il est à l'ombre, en fait. Mais sur une toute petite partie, c'est-à-dire qu'en fait. Il touche plein d'autres villes aussi, mais bon, voilà, on l'appelle quand même le lac de Côme. Et d'ailleurs, l'une des attractions principales à faire au lac de Côme, c'est de prendre un ferry pour aller visiter les autres villages. Donc c'est pour te dire. Ah oui, d'accord. Donc le plus connu, c'est Bellagio, donc c'est celui qu'on a fait. Et c'est vraiment un petit village très mignon, très sympa. Ça a un charme un peu indescriptible. Ouais, moi je trouve, alors c'est indescriptible, mais je vais quand même le décrire. Je trouve que ça ressemble un petit peu aux Cinq Terres. Ouais, parce qu'il y a des maisons colorées au bord du lac, donc ça fait un peu effet 5 terres, parce que c'est avec des petites terrasses, ouais. Des gens qui mangent des croissants et qui prennent du brunch, voilà. C'est vraiment un décontract, c'est vraiment agréable. C'est et... village vacances, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est très sympa. Pépé. Autrement, à Côme, il y a beaucoup de... Enfin, moi, ça m'a surpris, c'est pour ça que je le souligne, des hydravions. Vous pouvez faire des tours en hydravion. Oh, c'est génial, c'est trop bien. Et ben, j'ai trouvé ça vachement chouette, du coup c'est pour ça que je le souligne. Mais je le savais pas avant, sinon on l'aurait peut-être testé. Mais ah ouais, alors, je ne sais pas, mais il paraît que ça coûte un bras. Oui, alors ça doit coûter un bras. De toute façon, quand tu prends l'avion... Oui, forcément, ça coûte toujours ça. Enfin, remarque, le bateau coûte un bras aussi, donc... Bah après, si vous voulez pas dépenser un bras, mais que vous voulez quand même voir... il va à la nage, en fait, bras, c'est un bras. Mais que vous voulez quand même voir prendre de la hauteur sur Côme, je vous propose de prendre le funiculaire. Il y a un funiculaire qui part de Côme et qui monte jusqu'à la ville de Brunat, qui est un petit village situé à 715 mètres d'altitude. Et donc, ça vous emmène sur les hauteurs du lac pour une vue sur la ville de Côme, le lac et les Alpes italiennes et suisses. Et c'est vraiment joli. Mmh. En plus, pour le coup, là, c'est beaucoup moins cher parce que c'était de tête 5€ aller-retour, ouais. Un truc comme ça. Ouais. Donc, c'est alors que après, j'ai vu quand même que selon la saison, il y avait quand même beaucoup de monde. Mais je pense que ça vaut le coup, même en toute saison. C'est vraiment quelque chose qui vous donne... que tu as fait des super belles photos là-bas. Ouais, des et super photos. Et je parie que tu les mettras sur notre page Facebook et Instagram. Ouais, bien sûr. Et tout. Exactement. Parce qu'en plus, on y allait, à un moment que je dévoile la suite, mais on y est allé au coucher de soleil oui. Et les photos du coucher de soleil sont extrêmement jolies. C'est un petit conseil, c'est-à-dire qu'on peut monter un tout petit peu avant le coucher de soleil, comme ça on a la vue dégagée sur le lac et la ville de jour, et si on arrive pile à la bonne heure, c'est-à-dire l'heure dorée, alors là c'est parfait parce qu'on a le coucher de soleil et c'est vraiment... Et t'as la super photo Insta. Exactement, c'est ça. Que j'ai faite et que je vous posterai si vous voulez. Du coup tu peux le dire que tu as une application qui te donne la golden hour. Ouais, bon après c'est tout simple, hein. C'est, l'application s'appelle golden hour, hein, et elle te dit juste exactement en fonction de ta localisation... Quand est-ce que tu peux faire les plus belles photos? Quand et est-ce plus que beau, ouais. T'es dans l'heure dorée, ouais. Et c'est sympa, ça vaut le coup. Et y a pas trop de touristes du coup? Alors, bah nous, on y est allé en novembre, donc ça allait. Ouais, parce qu'en fait, la saison touristique, si je parle trop, tu peux me dire de non, fermer ma gueule. Non, pas du tout, pas du tout. La saison touristique, elle est jusqu'à fin octobre, et nous, on y allait le 2 novembre. Et en fait, il y a moins de services à partir de novembre parce qu'il y a moins de monde. Donc, je pense que. Enfin, moi, ça m'a pas paru très, très blindé. Bah, disons que nous, on y allait sans problème, c'était très sympa, mais j'ai vu des photos de la queue devant le funiculaire. Bah, oui. Ça fait un peu peur quand même. Ouais. Mais bon, après, j'ai lu des blogs, des articles qui disent que finalement, ça vaut le coup quand même. De faire la queue parce que. Donc les gens sont quand même. Il faut y aller, mais pas en juillet-août quoi. Ouais, bah oui, voilà. Faut y aller hors saison quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est assez connu, assez touristique, mais vraiment, ça vaut le coup. Donc voilà. Bah, si c'est touristique en même temps, c'est pas pour rien. Oui, c'est vrai. Oui. C'est ce qu'on oui. dit toujours parce qu'on dit toujours, ouais, c'est touristique donc ça doit être nul. Non, parce qu'il y a plein de choses qui sont belles et du coup, si c'est beau, t'as envie d'y aller, tu vois. C'est ça. Donc tu peux dire par exemple, le Grand Canyon c'est touristique, mais en même temps, c'est tellement ouf que c'est normal que ça soit touristique. Bah, exactement. Des fois, ce qui est touristique, ça vaut quand même le coup. Alors, et d'ailleurs, alors, je change pas vraiment de sujet. Je voulais repartir à Milan et je voulais parler de quelque chose qui est quand même touristique mais dont tout le monde ne parle pas forcément parce que c'est pas la première chose qu'on pense à aller voir quand on vient visiter une ville, mais c'est le cimetière de Milan. Ah oui, ah, ça te donne envie. Les voisins sont bizarres. Hein. Non, mais alors vraiment, je vais en parler parce que c'est une des choses qu'on a pu faire sans pluie, parce que tout le reste, on a eu un peu de pluie. Et c'est une des seules choses où on a pu vraiment visiter et profiter sans la pluie. Et en fait, j'ai pas regretté d'aller le voir parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire dans un cimetière? Et vraiment. C'est un beau cimetière. Ouais, c'est beau. Ouais. Ouais, c'est l'une des visites les plus exceptionnelles qu'on puisse réaliser à Milan. Mmh. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est une vraie exposition artistique, finalement, qui est loin de montrer l'apparence lugubre d'un cimetière, puisqu'en fait, ça te montre des sculptures, des constructions, et ouais, c'est un truc à faire. Alors, c'est bizarre, mais c'est pas pourquoi pas. Franchement, ça peut toujours être sympa. Hein, voilà. Faut être ouvert d'esprit. Ah, bah oui. Non, mais en vrai, les tombes, elles sont ouf parce qu'il y en a qui font genre 8 ou 9 mètres de haut. Enfin, c'est des vrais trucs. Tu dis en France, quand tu vois le prix d'une plaque de marbre, tu dis qu'un truc comme ça a coûté 100 000 ou 200 000 balles. Quoi. Et je parie que t'as fait des photos que tu pourras mettre sur Instagram. Ça va être bien pour la com. On a mis des photos de cimetière. J'avoue. Non, j'ai on va peut-être juste garder les couchers de soleil en fait. Les allées, c'est sympa parce que t'as des beaux arbres et tout. Après les tombes et tout, je me suis pas trop amusée à les prendre en photo, mais c'est quand même assez personnel quoi. Enfin, voilà. Faut rester dans le respect quand même. Oui, tout à fait. Oui, ça. Bon alors je sais que j'aime bien faire la petite parenthèse nourriture des pays que je visite parce que c'est toujours intéressant. Mais là bon vu que c'est l'Italie, je me suis dit que tout le monde connaissait la cuisine italienne. Un peu plus connue. Ouais, oui. Je sais pas, vous avez peut-être pas envie de rejouer, mais je vous aurais bien reproposé le petit jeu de la dernière fois. Je voudrais dire quelle est la spécialité des Italiens. Je vous aurais bien proposé un petit jeu où chacun votre tour, vous me dites un aliment ou un plat. Je veux. Italien que vous connaissez. Je veux jouer à ce jeu. Je suis chaud là. Vous êtes chaud? On est chaud. Qui veut commencer? Moi. Ah, vas-y, Béli. Après toi. La pizza. Ouais. L'expresso. Ouais. Bah, la pasta. La pasta. Les lasagnes, mais c'est comme les pâtes ou pas? Ouais, mais c'est un plat, ça passe. C'est un plat, les lasagnes, c'est un plat. Est-ce que j'ai le droit de faire toutes les sauces de pâtes au monde ou pas? Parce que j'en connais plein en italien. Alors là, c'est un peu long, ça mais peut être long, remarque hein. Si tout le monde. C'est le premier qui loupe, hein, donc. Tiramisu. Ouais. La pasta alla carbonara. l'antipasti. Alla arrabbiata. Aglio olio. E buongiorno e benvenuto. Alors ça c'est pas un plat. Ah pardon, moi je me suis égarée, je parle italien maintenant. J'ai perdu, mais chaque fois je perds. Élimination suivante. Panna cotta. Ouais. Ah, on continue. J'en ai plus du coup. J'ai arrêté de réfléchir. Bon, bah, j'ai gagné chose. Vous avez oublié la mozzarella, le basilic. Le risotto, le mais on est nuls. Vous êtes très nuls. Le napolitain, la glace. Enfin bref, plein de choses. C'était pour laisser Guillaume gagner. C'était pour vous donner l'eau à la bouche. Oui. Bah maintenant j'ai faim, merci, c'est bien. C'est... Voilà, voilà pour mon petit tour sur l'Italie. Eh ben impeccable. Eh bien, merci. Mélie, c'est pas la bonne. Merci, merci Camille. Si vous avez envie de voir des lacs et de manger des pizzas, donc suivez les conseils de Camille qui va vous mettre des photos de cimetières. Non. Sur coucher de soleil, on a dit. Voilà, de si cimetières, vous... de pizzas avec un coucher de soleil. Voilà pour le résumé. La semaine voilà. prochaine, on attaque le tour du monde des crématoriums, si vous voulez. Et des fausses sceptiques aussi en décembre. Je pense qu'on va avoir des sujets sympas. En tout cas, je te remercie Camille. Tout de suite, on va s'écouter Olivia Rodrigo, Good For You. Et après, on retrouve... Moi, Charles, question pour un gamer. Oui, c'est moi, c'est Charles, bonjour. Jeux de société, tout ça. Ah là, merci, l'éditeur dit ça tout de suite. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Et c'était Good For You, Olivia Rodrigo. Wouhou. 18h, 19h sur Fadjet, la voisinade, faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet. Et Charles, à quoi on joue ce week-end? C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont... Ça me fait toujours rire. J'adore ce toujours générique. Et Charles, allez. Charles, alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Alors, avant de faire ma chronique, je vais juste faire une petite case dédiée à Monsieur Fèvre. Qui a chaud puisqu'il a la fèvre. Voilà. Non mais... Merci. Alors, merci. Alors, Mélie vient de perdre son boulot. Merci. J'aimais bien ce boulot quand même, c'est dommage. Je tiens à dire que c'est pas mon idée. Non, mais oui, voilà, Monsieur Fèvre, hein, si vous nous écoutez. Alors, Monsieur Fèvre, pour les auditeurs, hein, c'est le principal adjoint du collège dans lequel je travaille. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà, on a ruiné sa carrière. Ok, après, le rire jaune. Après ce petit interlude, ma chronique. Alors, ma chronique, ce sera question pour un gamer. Donc, je vais vous énoncer. Alors, je vais devenir un jeu et je vais me présenter en tant que ce jeu et vous allez devoir deviner qui je suis. Oh, le gars, il a bossé de ouf. Ouais, j'ai. Bah, pour toi, j'ai... à ton niveau, quoi. C'est ouais, c'est plus ça. De 5 minutes, c'est du boulot. Quoi. Ouais, c'est ouais, au moins 15. Comme d'hab, je compte les points et le gagnant, on verra ce qu'il gagne entre nous plus tard. Parce que non, j'ai pas encore réfléchi à ça. Jean-Pierre Foucault. Oui, alors, qui a gagné 1 million ? On verra ce qu'il gagne hein, s'il répond à 15 questions. Voilà, Inch'Allah, il me tape. Hein, c'est verra. Ça, on verra enfin. Écoute, ça va aussi. Ok, alors, premier jeu. Je suis un jeu qui utilise une vieille licence, licence remise au goût du jour récemment. J'ai des mécaniques de jeu diverses, comme la gestion de ressources, le deck building, la pose d'ouvrier. Je suis un tous jeu... tes jeux. Oui, ou oui. Toute ta bibliothèque. Je suis en train de voir toutes alors les boîtes je précise, dans mes jeux. Effectivement, là. Ce sont des jeux qu'on a déjà fait ensemble, au moins. Oui, bah oui, oui. Et ouais. Si on y a joué qu'une fois, c'est assez récemment, parce que je suis pas un monstre. Dune Imperium. Tout à fait. Au pif, totalement. Okay. C'est exactement ça. Je suis un... Alors, je termine, évidemment, comme oui, oui. Question pour les champions, parce que je ne me suis pas du tout inspiré de cette émission. Non. Je suis un jeu dans lequel il y a des alliances avec différentes factions, comme par exemple les Fremen. Pour gagner, les joueurs doivent être les premiers à atteindre 10 points de victoire dans une course effrénée. Donc, Dune Imperium. Alors, effectivement, c'était la bonne réponse. Premier point pour Gaelon. Merci. Il note en plus pour de vrai, hein. Non, il a juste fait semblant de cliquer sur l'ordi. Non, c'est vrai, j'ai vraiment écrit. Il a mis 4 points même, il a mis. Non, bah quand même. N'exagère pas. Alors, Dune Imperium, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Bon, 2 à 4 avec un mode solo si vous êtes vraiment déterminé. Ou seul. Ou seul, tu as le droit de jouer seul. Sans il y a des gens qui aiment. Tu reviens du cimetière de Milan parce que t'es tout seul. Et tu dis, bon, j'ai joué à Dune Imperium. Petite partie de Dune Imperium. Pour des parties de 1 à 2 heures, donc 1 heure à 2 et maximum 2 heures à 4. Quoique quand on y a joué, c'était pas si long que ça. Pour une moyenne d'âge de 13 ans et plus, recommandé, donc c'est un jeu qui est quand même un petit peu technique, et un prix de 50 euros. Après ce petit interlude publicitaire, la réclame tout de suite, c'est ça. Sur Fadjet. On va passer à la deuxième question, et j'ai failli dire le nom du jeu. Tu aurais eu un point du coup. Ouais, peut-être, effectivement. Putain, c'est ça le bon plan en fait. Deuxième jeu, je suis un jeu dans lequel mes joueurs utilisent des cartes. Les cartes. Le Uno. Eminent Domain. Alors je précise, vous avez une réponse chacun. Ah merde, on peut faire une blague. Et du coup maintenant il y a que Camille qui a le droit de répondre. Mais non, t'avais pas expliqué les règles avant. Et ben, à partir de maintenant, bah on voilà, a une réponse. Ok, ça marche. Okay. Donc mes joueurs utilisent des cartes. Les cartes leur permettent entre autres de se déplacer sur mon plateau. Mon plateau d'ailleurs, tout le monde le connaît puisqu'il représente la carte du monde. Les aventures du rail. Non. Pandémique. Pandémique, tout à fait. Je suis nul. Alors, mais effectivement, moi, j'ai même pas donné de réponse. L'indice là était bon aussi. Mon plateau, tout le monde le connaît puisqu'il représente la carte du monde avec certaines villes en guise de cases. Dans ces villes, mes joueurs doivent s'allier pour endiguer des maladies. Je suis pandémique. Bah, avec cette phrase, je pense que tout le monde aurait c'était dit. C'était effectivement le dernier indice. Bah, c'est le nom du jeu. Il, c'est voilà, presque un ça. Un jeu qui est très tendance en ce moment. Pandémique. Tout à fait. Depuis un an et demi, et bah, en plus, c'est vrai. Hein, bah, oui. Les ventes du jeu ont vraiment explosé depuis le début du Covid. Pandémie, bon, petite page de réclame, 2 à 4 joueurs, une demi-heure, enfin entre une demi-heure et une heure de partie pour 10 ans et plus et 38 euros. Alors ça c'est la version de base, Pandémie, ça c'est un des jeux les plus vendus au monde, pas loin derrière Aventurier du Rail que tu citais juste avant, oui. Qui existe en des dizaines et des dizaines de moutures, en particulier Pandémie Legacy que je vous recommande, qui est vraiment le meilleur de la série. Ah, il est super. Et avec même le code promo Charles30, vous avez 30% vu qu'il fait les réclames. J'avoue, je vais faire une promo avec. C'est clair, 5 joueurs. Franchement, ils vendent bien. Moi, j'achète. Un partenariat avec un site ou une boutique. Si quelqu'un m'entend ici, bonjour. Ok, très bien. Donc Pandémie, c'est un jeu où on doit soigner le monde et ça, c'est cool. Deuxième point, c'est qui carrément c'est Camille. C'est Camille, ouais. Non, c'est moi. C'est ça, non. Ok, troisième question. Je suis un jeu encore, un jeu de cartes compétitif qui pousse à la fourberie et à l'agression. Alors l'agression ludique, hein, pas le jeu de main, un jeu de vilain. Attention. Je vous permets d'incarner un chef de famille qui va se battre contre les autres pour prendre le pouvoir sur Westeros. Non, pardon, je me suis emballé, je suis pas Game of Thrones, hein, y a pas Westeros. Donc je vais me battre contre les autres pour prendre le pouvoir, tout court. Parmi les pouvoirs de mes cartes, vous allez pouvoir gagner des points ou en voler. Détruire les cartes adverses, par exemple. Ou carrément manipuler l'ordre des cartes. Ou copier une autre carte. Je suis un jeu qui a gagné une récompense très prestigieuse, l'As d'or 2020, pardon, et je suis Oriflamme, tout à fait. Ah, j'y étais pas, mais là, je sentais moi que je le connaissais. C'est l'histoire du chef de famille qui m'a fait douter, et je me suis dit, non mais le jeu qu'il a décrit, c'est celui-là. Dans Oriflamme. Je viens de l'apprendre aussi. Tu as dit quoi, pardon? Il y a un chef de famille dans Oriflamme. Bah, c'est toi le chef de famille, en fait. Ah, ok. Tu incarnes un chef de famille et du coup, tu utilises les différents membres de ta famille, le seigneur, etc., okay. etc., qui sont les membres de ta famille, entre guillemets. D'où le côté un peu Game of Thrones, famille, hein. Puisque c'est des familles qui se font la guerre pour le pouvoir. Enfin, pour l'influence, du coup, le pouvoir d'influence. Excellent jeu. Jeu effectivement très fourbe, très mesquin. On va jouer des cartes face cachée. Le but, ça va être de bluffer les autres, de croire que t'as fait un truc alors qu'en fait, t'as pas fait ça. Enfin, c'est vraiment un excellent jeu. De faire des complots, comme ça. C'est, ouais, effectivement. Donc, c'est un jeu qui se joue de 3 à 5 de base. Pendant le confinement, ils ont sorti une variante de joueurs. Donc, okay. Il y a beaucoup de gens qui avaient le jeu et qui étaient coincés avec Chéri à la maison et qui du coup étaient un peu frustrés. Qui n'avaient pas de voisins pour jouer avec eux. C'est ça. Je dis rien, après coup, on va les balancer. C'est clair. Ah, c'était rigolo les soirs quand on sortait avec nos petits peignoirs pour aller chez les voisins discrètement. On avait peur de se faire cramer, on passait juste d'une porte à l'autre. C'est clair, on était quand même prudents, on sortait avec un masque. Menteuse. Et du coup, les gens qui étaient frustrés à cause du Covid, du coup, ils ont sorti une variante dispo sur internet assez facilement pour deux joueurs. C'est des parties qui durent moins de 30 minutes, entre 20 et 30, pour 10 ans et plus, et ça coûte 16€. C'est un jeu petit de taille, mais grand en possibilité malgré tout. Oh, c'est beau cette phrase. C'est magnifique. T'as vu ça? Tu le vends super bien, j'ai envie comme d'acheter. Skip petit mais puissant. Ah, c'était moins rêvé d'un coup. C'est pas la même chose. On a le droit de faire des pubs à la radio comme ça? Attends, on est trop tard. À la limite, on peut en dire 3 autres, comme ça on pourra pas nous embêter. C'est, tu vois. C'est bon, on a déjà dit 3 autres, on a déjà dit d'une Imperium. Par rapport à la marque de lessive. Oui, par rapport à la marque de lessive. J'en connais pas d'autres. La petite sirène et puis Sofinco, ça n'a rien à voir. Sofinco, mais c'est pas possible. Allez, on se fait la dernière question parce que après je vais me faire taper sur les doigts encore parce que je suis trop long. Alors, je suis un jeu, et vous ne l'avez pas deviné celle-là. Je suis un jeu reconnu en grande partie pour la qualité de mes illustrations. Mais je suis pas juste beau, car mes joueurs ne s'ennuient pas et doivent retrouver les coupables d'un crime. Mysterium. Tout à fait. Mais non, je voulais le dire, mais je voulais qu'il finisse ça. Moi, quand il a dit dessin beau, je me suis dit c'est moi ça. Aussi, c'est le jeu préféré, en même temps, je l'ai choisi un peu exprès pour ça. Mes joueurs doivent coopérer, mais malgré tout, ils n'ont pas forcément le même rôle. La majorité des joueurs mènent l'enquête, tandis qu'un autre incarne un fantôme qui donne des indices. J'adore non, je suis pas Dixit, arrêtez de me confondre. Je suis Mysterium. J'allais dire Dixit, mais j'attendais que t'en dises plus. C'est vrai qu'ils se ressemblent, les jeux. Je m'attendais vraiment à ce que quelqu'un dise Dixit. Ouais, ça, j'avais rajouté la phrase. Oui, mais on n'y a pas trop joué ensemble, donc c'était plus. On y a joué quelques fois, une ou deux, pas plus. Moi, j'adore ce jeu. Je pourrais y jouer tout le temps, je pense. J'aime bien le fantôme. Oh là là. C'est un très bon jeu pour ceux qui aiment les Dixit-like. Mais moi, j'ai vraiment un gros problème avec ce genre de jeu. Je m'ennuie, mais. Bah oui. Ça, c'est mon esprit très compétiteur. Mais chez le joueur lambda, j'ai l'impression qu'il marche plutôt bien parce que moi quand je le ramène à des soirées généralement ça fonctionne plutôt bien. C'est un excellent jeu connu et reconnu aucun problème là-dessus. Et je te remercie pour ce jeu du gamer. Par contre, faut que tu annonces le gagnant avant que je lance la prochaine musique. C'est moi. C'est pas bête ça. Le gagnant c'est sans aucun doute et sans suspense Galen. C'est pour ça que je voulais que tu l'annonces. Ça aurait été les autres, j'aurais dit tout de suite on écoute. Et du coup, tu auras gagné le droit d'animer la prochaine voisinade. Ouh, okay, quel privilège. J'ai envie de dire heureusement que j'ai gagné. Hashtag melon. Et en tout cas, Charles, je te remercie pour ce petit quiz. En plus, j'ai gagné, donc c'est nickel. Il est 18h22, vous êtes toujours sur la voisinade. Et tout de suite, on va s'écouter Dirty Heads Vacation. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the they love it on a day of leave. Say you hate your job, but you'll never leave, never leave. But that ain't gonna be me, that ain't gonna be me. My brother called me up, said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from the ground up, now my hands they ain't so greasy. Feel me? I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Rejuvenate my future's bright, so thankful for everything. Rejuvenate my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embrace the life and all of which you gave to me. Hard work, it pays off, I'm happy now, it's paying me. Close my eyes, sometimes I feel as if I blow away. I love the life I live, enjoy the ride along the way. I make a living at a living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I wouldn't live no other way. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, hey, hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day, yeah. Every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation. Every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. Every single day, every single day. Et c'était Dirty Heads avec Vacation. Jusqu'à 19h sur Fadjet, la voisinade. Faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet, les histoires de Mélie. Les histoires de Mélie, mais pas vraiment des histoires aujourd'hui. Et non, parce qu'aujourd'hui, j'ai été censurée. Voilà. Carrément. Alléluia, carrément. Enfin. Donc, on m'a donné un gage et on m'a interdit de faire une chronique sur l'histoire. Alors, du coup, j'ai décidé de faire une chronique sur un film que je suis allée voir au cinéma. Les films un de film Mélie. Sur l'histoire. Les films de Mélie, ouais. Un film un peu historique quand même, mais bon, j'ai accepté. Un film historique quand même, j'ai oui. quand même accepté, j'ai pas été trop salaud. Non, mais je vais pas parler du côté historique du film. En fait, je vais essayer de vous convaincre d'aller voir ce film. Et franchement, bah, c'est pas une mince affaire parce que c'est absolument pas un film que vous iriez voir. C'est vraiment imbuvable. C'est vraiment nul, mais nul. T'imagines ? Je suis endormi au bout de 15 minutes. C'est bien vendu. Hein. Alors, non, tu m'étonnes. C'est parce que je vous connais. Je vous connais. Donc le film, ça s'appelle Les Illusions Perdues. Est-ce que déjà vous en avez là, entendu parler ? Bon, bah voilà, jusque-là, ça va. Bah moi, oui. Toi, coup, oui. Oui, mais tu dis non. Tu dis non. Donc, Les Illusions Perdues, c'est un film réalisé par Xavier Giannoli qui s'appuie sur une œuvre d'Honoré de Balzac. Voilà. Ah, là, tu commences à nous perdre. Ouais, je vais aller pisser, tu fais ta chronique, j'en je reviens derrière. C'était le mot qui commence à nous faire dévier. Je vous laisse imaginer ma tête. Le soir, elle m'a dit « Ah chérie, ce soir, je vais au cinéma, j'ai regardé un film inspiré d'une œuvre d'Honoré de Balzac. » Je vous laisse imaginer ma tronche. Ouais, super, tu Donc, Les Illusions Perdues, c'est un roman d'Honoré de Balzac et le réalisateur, en fait, a remis au goût du jour ce roman en l'adaptant au cinéma. Dans ce film, on trouve quand même des acteurs comme Benjamin Voisin. Je pense que vous connaissez, hein, c'est un jeune acteur français. Sur dans la voisinade, quand même. Ah oui. Il habite au-dessus de chez nous, du coup. Cécile de France et France. Vincent Lacoste. Et il a des t-shirts avec un crocodile. Voilà. D'autres questions ? Parfait. Il y a également Gérard Depardieu qui tourne dans ce film. Donc on est vraiment quand même sur un film gros budget. Hein. On n'est pas sur un petit film. Voilà. Concernant la synopsis du film, donc. Le film reprend évidemment l'histoire du roman. Donc le personnage principal du film se nomme Lucien. C'est un jeune poète inconnu dans la France du 19e siècle. Il a de grandes espérances et il cherche à se forger un destin. Il va donc quitter l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras d'une protectrice. Mais le jeune homme va évidemment découvrir les coulisses d'un monde qui est voué à la loi du profit et aux faux semblants. D'où le titre « Les illusions perdues ». Et donc, c'est vraiment une comédie humaine où tout s'achète, où tout se vend. Et la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Et finalement, même si c'est un roman qui date du 19e siècle, bah, y a pas grand-chose qui a changé aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est intéressant à aller voir. J'ai une petite question. Je t'en prie. Tu l'as peut-être déjà dit, mais qui joue le rôle principal ? Alors, celui qui joue Lucien, c'est Benjamin Voisin. Ok, d'accord. Je ne savais pas si tu l'avais dit. Mais Non, je ne l'avais pas dit. D'accord. C'est tout. Tu peux... Vaquer à tes occupations. Vaquer à tes occupations. Vaquer, vas-y, Mélie, vaque. Alors, du coup, vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on va aller voir ce film ? Oui, pourquoi est-ce qu'on va aller voir ce film ? Ça a l'air quand même pas terrible. J'espère qu'il est gratuit, hein. En plus, c'est pas gratuit. Non, mais il est au cinéma pas cher. Je sais plus son nom, mais ah, il est pas cher. Ouais, c'est oui, ça. Il passe au caméo. Il passe film en roumain, du coup, les gars. Ouais, c'est ça. C'est pas donc, déjà, roumain, tu vois, et encore un indice, il passe au caméo. Ouais, là, c'est pas bon signe, quoi. Caméo, si vous nous écoutez, bonjour. Non, non, mais j'ai rien contre vous. Vous êtes super cool, trop cool. Si vous voulez sponsoriser l'émission. C'est bon, je peux en placer une. C'est à toi, vas-y. Je sais pas, t'as pas levé la main. J'ai pas levé la main. Défends-toi après ça maintenant. C'est bon, tu peux y aller. Donc, déjà, franchement, pourquoi aller voir ce film ? Pour les décors. Les décors sont vraiment très réalistes. Le spectateur, il est plongé dans le Paris du 19e siècle. Et finalement, c'est plus intéressant d'être plongé dans les rues de Paris au 19e siècle par un film que par un ouvrage. Parce que par l'ouvrage, c'est quand même un peu plus compliqué. Ah, il y a beaucoup de descriptions. Et visuellement, on n'arrive pas trop à comprendre. Ensuite, bien qu'il s'agisse d'une adaptation d'Honoré de Balzac, bien évidemment, c'est remis au goût du jour, hein, puisque le réalisateur va intégrer des éléments très contemporains. Par exemple, il y a une phrase qui m'a marquée où il dit « Un jour, un banquier sera président ». Donc on comprend très bien à qui ça fait référence. C'est ça. Tout à fait. Et en fait, c'est hyper facile de faire un parallèle avec, par exemple, le danger des médias aujourd'hui, les critiques des réseaux sociaux, de la publicité, du grand capital face aux petits artisans, aux artistes, à l'arrogance aussi parisienne par rapport à ceux qui habitent en province, puisque même si aujourd'hui, on est en 2021, ça existe encore. Et du coup, c'est un film qui parle de quelque chose qui s'est passé il y a quand même assez longtemps, mais quand on le regarde, on s'interroge sur la société dans laquelle on vit. Il dénonce toujours des choses qu'on a encore. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est incroyable parce que ça a été écrit au 19e siècle et finalement, tout est encore. On n'a pas changé, mais c'est un peu horrible de dire ça. Hein, oui, en fait. Oui. Nos problèmes d'il y a quelques années sont toujours nos problèmes d'aujourd'hui. Voilà. Du coup, à ce sujet-là, du coup, je me questionne, est-ce que ça a été beaucoup modifié par rapport au bouquin, du coup, pour que ça s'adapte mieux à la réalité ? Ou est-ce que c'est vraiment le livre qui était vraiment comme ça, si proche de la réalité à l'époque ? Non, c'est quand même l'œuvre d'Honoré de Balzac qui se rapprochait de la réalité, mais c'est appuyé, en fait. Mmh. C'est exagéré, quoi. Donc toi, tu as lu le livre et tu as vu le film ? Non, pas du tout. Pas lu. Moi, j'ai lu le... Enfin, j'ai lu. J'ai non, regardé j'ai le lu, film. En fait, je suis pas allée. J'ai fait aller au cinéma. En fait, je me suis endormie dans le cinéma. Parce que le caméo, les sièges sont quand même confortables. Non, mais j'ai regardé le film et ça m'a donné envie. Ah oui, c'est ça. Est-ce que ça t'a donné envie de lire le livre ? Ah ouais, franchement, Et je voulais simplement terminer aussi, parce que... pourquoi aller voir ce film ? Parce que c'est un casting de rêve. Par exemple, on voit Benjamin Voisin dans des tenues assez légères. Et franchement, c'est quand même assez agréable. Hein, de voir des beaux acteurs. J'ai très beaux envie acteurs. De le voir. Je suis convaincu. Et en plus, bien que ce soit un film de 2h30, en fait, la voix off... Et les dialogues permettent vraiment aux spectateurs de ne pas décrocher et de rester dans l'histoire. Donc, c'est quand même quelque chose à aller voir. Voilà. Et j'espère que je vous ai un peu convaincu. Oui. Heureusement que tu as parlé du mec un peu à poil. Hein, sinon, le reste, J'espère que j'ai convaincu les auditeurs au j'espère moins. J'espère qu'il n'y a pas que des mecs à poil, parce que sinon, je vais m'endormir. Hein. J'espère qu'il n'y a pas que des auditeurs comme nous, complètement incultes. Alors, Charles, c'est une œuvre d'Honoré de Balzac. Hein. C'est pas de la. Hein. C'est pas un film X hein, que j'ai fait. C'est pas les bouquins requins. Bon bref. On cut. C'est tout pour toi, Mélie ? Oui, c'est tout pour moi. Impeccable, je te remercie pour cette présentation de film, hein, le nouveau Avengers du caméo. C'est ça, mais voilà. Tout de suite, on va s'écouter une musique choisie par Mélie, donc vous pouvez remonter d'au moins 25 ans en arrière. Et on va s'écouter les Rita Mitsuko avec C'est comme ça. Allez, grosse ambiance. Et c'est parti, bienvenue. C'est parti. Thank you. allonger sa fibre. Faut que je m'ouvre. Et ça gêne quoi quand y'a pas de plaisir. C'est comme ça. La la la la la. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la. C'est comme ça qu'on va reprendre l'antenne avec le chant de Charles. C'était Lirita Mitsuko, c'est comme ça. La voisinade sur Fadjet, les indébattables. Alors, les indébattables, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois à 18h38 sur Fadjet, les indébattables, c'est des sujets de débat très light, très léger, très feel good. Et aujourd'hui, on va faire, attention, un débat de fou. Quel est le meilleur réseau social entre TikTok et YouTube? Ouh, incroyable. Ah, Camille, tes arguments. Les arguments, c'est... Oh, la meuf, elle est blasée. Ouais, j'en suis. Sers-moi une bière, là. La meuf, elle est au bar. Je ne comprends pas trop l'intérêt de TikTok, donc forcément, je vais dire YouTube. Alors, moi, je pense que... Je sais pas si c'est la vieille époque ou j'en sais rien, mais je sais pas, c'est cool, YouTube. Quel est le rapport avec TikTok? Je comprends toujours pas le principe de TikTok. Parce que c'est deux plateformes de vidéos et que les deux sont en concurrence, tout simplement. Oui, mais sur TikTok, on veut juste se montrer. Sur YouTube, il y a des gens qui veulent se montrer, oui. Mais à la base, il y a déjà des vidéos intéressantes, vraiment. Quoi. Tu cherches un truc, tu l'as sur YouTube. Tu cherches... Une fille qui danse, celui-là sur TikTok. J'ai pas trouvé d'argument. Donc, déjà, tu appuies mon argument, merci. Non, t'inquiète, j'arrive après. Charles je sais pas. En fait, je me suis pas trop posé la question de pourquoi je préférais YouTube. Je sais pourquoi j'aime moins TikTok. Ah, bah c'est déjà pas. Tu vois, t'as déjà un élément de réponse. Alors, du coup, si tu veux, j'ai plein de contre-avis sur TikTok. Bah, vas-y, hein, Pourquoi est-ce que c'est chiant? Alors, en fait, bon, moi, je suis un gros consommateur de YouTube, en fait, depuis toujours, parce que jeux vidéo, parce que jeux de société aussi, il y a beaucoup de contenu dessus. Tu trouves ce que tu cherches. Et du coup, j'ai vraiment tout le contenu que j'aime sur ce sujet. Et en fait, TikTok, j'y vais un peu de temps en temps, et en fait, c'est. Enfin, je trouve ça vraiment nul, en fait. Les vidéos, c'est un vide intersidéral de gens qui veulent juste se montrer, comme tu dis. Ouais. Avec un... Alors, je déteste ce système de trend où il y, y a un truc à la mode, oui. Une personne qui fait un truc marrant, et tu scrolles 20 vidéos, t'auras 10 fois la même, parce qu'il y a un mec qui a fait un truc marrant, il y en a 10 qui ont fait la même chose. Et puis, il y a aussi un système que je trouve... très bien fait sur YouTube et très mal fait sur TikTok, c'est le système de recommandation qui est dans TikTok, qui va te mettre vraiment, mais vraiment, je mange tout le temps la même chose. Quoi. Oui. J'ai regardé trois fois des vidéos d'un jeu vidéo qui s'appelle Rocket League, donc un jeu avec des voitures et des buts, enfin un jeu de foot en voiture, et en fait, j'ai que ça, littéralement. Ouais. Là, je comprends. Alors que sur YouTube, je trouve que c'est bien fait, t'as toujours effectivement des trucs en sujet avec ce que tu regardes, mais il va toujours te glisser 2-3 vidéos différentes et du coup tu vas avoir des trucs un peu différents. Moi, c'est bien parce que j'avais un argumentaire pourri et puis Charles a, voilà, il a fait à ma place. En fait, j'avais pas d'argument et puis ça m'est venu. je précise, avant de reprendre l'antenne, il m'a dit ouais, je parlerai même pas 30 secondes. Ouais, voilà. Non, mais oui. Et du coup, je me suis dit, pas du tout en même temps, je parle, je crois que c'est trop long. Je suis désolé. Alors, moi, non, ouais, c'est YouTube aussi parce que je trouve que TikTok, pareil, ça sert pas grand chose, et sur YouTube il y a tout ce qu'on veut, enfin même au niveau éducatif par exemple, il y a plein d'informations, plein de choses qu'on peut apprendre, et du coup je pense que c'est beaucoup mieux que TikTok. Bon bah alors, je vais changer d'avis du coup. Alors YouTube, pourquoi YouTube c'est bien? Alors j'ai des chiffres, il y a à peu près 8 milliards d'utilisateurs. Non, j'ai... bah à la base j'étais plutôt sur TikTok, mais d'une légère avance, parce que moi je suis complètement teubé, je pense, suis addict à TikTok. Je pense qu'on a 10 ans de trop en fait. Ouais. Oui, alors c'est le plus vieux de l'équipe qui vote TikTok. Oui, oui, mais c'est parce qu'il est vieux en âge, mais dans sa tête... Non, alors j'ai quand même cherché des chiffres. Alors vous savez que maintenant TikTok a plus d'un milliard d'utilisateurs, donc c'est quand même moins que YouTube, parce que YouTube c'est 2,3 milliards. Mais à savoir que TikTok a été créé il y a 4 ans, donc 4 ans ils ont quand même chopé 1 milliard d'utilisateurs. Et surtout, ils ont fait des études aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne. Le temps d'utilisation de YouTube est en tendance à la baisse, donc moins 3 minutes à peu près par pays, alors que le temps de TikTok explose avec plus de 150% de temps d'utilisation. Donc en gros, TikTok est en train de rattraper YouTube. C'est pour ça que j'ai posé la question de ce débat, est-ce que TikTok est capable de rattraper YouTube? Moi, je pense que c'est deux utilisations différentes. Moi, j'aime bien les deux, d'ailleurs. En tant que consommateur, je suis sur les deux, et en tant qu'utilisateur, je fais des vidéos TikTok et j'ai fait des vidéos YouTube. Mmh. Après, je pense que c'est pas le même contenu. Moi, ce que j'aime bien... Or l'algorithme effectivement il est pas toujours bon, mais des fois, enfin moi je sais que mon algorithme à moi il me donne des trucs qui m'intéressent et je découvre des gars qui font des vidéos TikTok qui feraient pas forcément sur YouTube parce que le format est trop long sur YouTube. Donc moi je pense que les deux sont quand même compatibles. Là où je donne le point clairement à TikTok par rapport à YouTube, c'est sur l'appli sur le côté mobile. L'appli mobile YouTube est vraiment terrible, elle est horrible, enfin tout le monde le sait, elle est pourrie. Je peux pas finir une vidéo avec ton téléphone verrouillé. Mais ça rattrape pas le contenu du réseau. Mais voilà, sur le côté vraiment logiciel, TikTok est vraiment mieux fait. Et c'est vrai que le côté de scroller, c'est hyper intuitif. Et t'as un côté très addictif. Et je pense que c'est pour ça que le temps augmente. C'est vraiment un côté addictif où t'as des petits shots de 30 secondes. Et je comprends que c'est pour ça que ça marche super bien. Et bah tu sais que les enfants au Royaume-Uni, ils passent à peu près 80 minutes sur TikTok et 85 minutes sur de YouTube. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'ils regardent beaucoup plus de contenu sur TikTok. Attends, 160 minutes par jour. Ouais. C'est pas le même contenu. C'est de 4 à 15 ans. Ouais. Voilà. Oui, donc là, du coup, ça, c'est la tranche la plus élevée. Ouais. Ouais. Ah je sais pas les autres tranches, mais ils sont en train d'augmenter sur toutes les tranches. Ils sont vraiment en train quasiment, de prendre des places. Quasiment 3 heures de vidéo par jour, c'est énorme. C'est ils font quoi de leur vie? Non, mais c'est ça, ils font quoi de leur vie? Ça commence peut-être à être c'est limite dangereux. Mais c'est ça. Je vais pas faire le vidéo con. Hein, non, mais si. Tout qu'en plus, c'est mon métier, alors l'informatique, c'est cool. Mais avec modération. Mais voilà, il faut savoir quand même se modérer et faire des jeux de société, par exemple. Par exemple. Oui, bah c'est beaucoup mieux. Écoutez la chronique de Charles. Écoutez la voisinade. Je déclare vainqueur YouTube, haut la main. Qui résiste encore. Qui résiste encore, mais pour combien de temps? Les courbes sont en train de s'inverser, on fera peut-être un débat dans 3 ans et vous me direz TikTok c'est trop cool. Et ben, en tout cas, on dira c'était mieux avant. C'est ça. On va remonter à une époque où TikTok n'existait pas, parce qu'on va s'écouter la dernière chanson de Avril Lavigne. Alors attention, en termes de style, c'est Avril Lavigne 2004 mais en 2021, c'est vraiment le même style. On va s'écouter Bite Me. Wish I was your wifey. Don't act so innocent. This was no accident. You planned this in the end, and now it's over. Say what you wanna say. You lied and I got played. You threw it all away, and now it's over. Just face it, we didn't make it. You bit off. taste it. Me. Don't hold your breath, 'cause you're still choking on your words. Those things you said might be the last ones that I heard. So come pick up your clothes from the front yard, sprinklers on, burn the rest in the backyard. Should've had the guts just to say goodbye. Now you're gonna have regrets for the rest of your life. Just face it, we didn't make it. You bit off more than you could chew, can you taste it? Et c'était Avril Lavigne avec Bite Me, ça des potes, comme disent les jeunes. Ouais, c'était franchement pas si mal. On s'attendait pas à ça. La voisinade sur Fadjet, le génie de l'actu. Attendez, vous êtes qui, vous ? Le génie de l'actu, donc je le rappelle, ce que c'est le génie de l'actu, c'est j'ai préparé plein d'actualités que j'espère que mes chroniqueurs ne connaissent pas, je vais leur poser des questions, et celui qui gagne donne un gage à l'autre. Comme on l'a vu tout à l'heure, Mélie a eu le gage de ne pas faire une chronique sur l'histoire, ce qu'elle n'a pas respecté. Si, j'ai respecté. Elle a un peu trichoté quand même. Non, j'ai parlé d'un film et d'un roman. J'ai respecté. Par contre, tu rappelles, et vous êtes qui, vous ? Ça vient d'où ? Je me rappelle jamais. Ça vient de Dexter, saison 1, épisode 7. Ah oui, c'est vrai. Exact. Ce moment. Génial. Allez, je vous emmène à Genève, où ça vaut le coup de se faire vacciner. Ah oui, parce que... Je sais. Oh la vache ! Je crois que je sais. Parce que c'est pas genre les personnes qui se font vacciner ont un cadeau un peu. Ah oui, ils dans une maison close. C'est oui, ça, oui, non exact. Développe, tu peux le dire. Ils le dis pas non plus. Le gars, il arrive. Mais j'emploie un mot dans le dictionnaire, quoi. En fait, les personnes vaccinées ont le droit à avoir une fellation. Exactement. De la part d'une. Ils ont le droit à 30 minutes offertes avec une prostituée. Toi, t'es trop renseigné, par contre. Oui, d'accord, parce que même moi, j'ai pas Je viens de Genève, là, d'ailleurs. On en parlait juste avant et je crois que j'ai vu l'info sur TikTok, justement. Attends, mais j'ai une question par rapport à ça. Comment font les femmes qui sont vaccinées? Ah, j'ai pas la réponse. Mais il y a peut-être l'inverse. Il y a peut-être des hommes de joie aussi, ou peut-être que les femmes. J'espère. Si elle est intéressée, je vous donne le nom, c'est le club Delicious à Genève. Voilà. Donc, par contre, il faut venir avec un justificatif. Mélie vient de prendre son stylo. J'étais obligée de le dire. Un justificatif. Justificatif. Et il faut avoir été vacciné il y a moins de 3 jours quand même. Ah oui, d'accord, justificatif du vaccin. Okay. Voilà, c'est ça. Et par contre, dépêchez-vous parce que vous n'avez que jusqu'au 30 novembre. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais ça fonctionne, ça ? Alors, comme je suis. Je sais c'est pas. C'est bizarre, ça fonctionne. Non ? Est-ce que ça marche avec un vaccin fait en France ? Je sais pas, mais en tout cas. Non, ça fonctionnera pas pour toi. J'ai cherché l'info, il faut compter un peu plus de 100€ pour un trajet Nancy-Genève et 60€ pour un aller-retour en Blablacar. Voilà, si vous voulez faire Nancy-Genève pour aller vous faire vacciner, bah, Blablacar, 60 balles, vous pouvez y aller. Voilà, j'ai fait la recherche, comme ça vous gagnez du temps, Charles. Je sais pas si c'est plus cher que les 30 minutes. Enfin bref, clôturons le sujet. Actu suivante. Je vous emmène au Brésil où quelqu'un est né avec quelque chose. Merci. Alors, c'est physique ? Oui. Je pense qu'il y a un petit enfant qui est né avec deux bras. Non. Si. Deux bras, oui, mais là, du coup, il y en a plus qu'un. Quelqu'un est né... Donc, c'est une malformation ? Oui. C'est bien pour lui ou pas bien pour lui ? Il y a eu un deux en un, là, comment ça s'appelle ? Quoi ? Ah non, c'est pas un non, c'est pas un ancien moi. Non, il y a une seule tête. Il y a plusieurs... Genre, par exemple, il a trois bras ou... Non, c'est pas un truc en double ou en quadruple. Est-ce qu'il lui manque quelque chose ? Non. Est-ce qu'il a quelque chose en plus ? Oui. Il a, genre, je sais pas, une bosse sur le crâne, un kiss, on s'en rapproche. C'est dans ce genre-là. Est-ce qu'il a deux nez, trois oreilles, quatre yeux ? Alors, tout ce qui existe déjà est en bon nombre. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas sur le corps normalement. D'accord. Il a une trompe. C'est presque ça, c'est presque ça. C'est vrai. Quoi, il a une trompe. Des bronchies, des. Non, c'est pas. Fais tous les animaux, tu vas y arriver. Il a une queue. Oui, il a une queue. Ah, d'accord. Mélie marque le point. D'accord, ok. Mélie mène 2 à 0 pour le moment. D'accord. Et bah, effectivement, au Brésil. Alors, il a une queue, mais comment c'est possible? Je vais déjà rappeler que tous les fœtus humains ont une queue qui apparaît entre la 4ème et la 6ème semaine de gestation et disparaît généralement à la fin de la 8ème semaine, sauf lui. Et du coup, il a une queue, donc elle mesurait 12 cm et se terminait par une boule de 4 cm. De diamètre. Donc côté aspect, elle ne ressemblait pas du tout à celle d'un animal puisqu'elle n'avait pas de poils, pas d'os, pas de cartilage. Donc du coup, ils lui ont fait une opération chirurgicale pour retirer la queue, même s'il n'y avait pas de complications. Normalement, c'était pas très grave. Et l'enfant va très bien, l'opération s'est bien passée. Et c'est pas la première fois que ça arrive, puisque depuis le début de l'histoire que c'est recensé, il y a déjà eu 40 personnes qui sont nées avec des queues. Ah ouais. C'est fou, ça. Alors j'ai une question, est-ce que quelqu'un a une queue de 12 cm autour de la table? Voilà, je m'en vais. Oh là là, non, non, c'est non. Changer le sujet là, parce que. Oh là là, là. Je vais partir hein, par contre là. Du coup, personne. Allez, on va revenir en France où quelqu'un a dit il est de mon devoir de vous servir. Emmanuel Macron. Non, mais on est dans la politique. Olivier Véran. Non plus. Moins connu. Moins connu. Enfin, moins connu. Bernadette Chirac. Le vendeur de chèvres, là. Le vendeur de chèvres. Oui, Jean Lassalle. Ah bah voilà, Jean Lassalle. Ah bah, moi j'ai dit le nom. C'est moi qui l'avais. Non, il faut que tu me dises pourquoi. Pourquoi? Ouais. Attends, c'était quoi déjà la phrase? Il est de mon devoir de vous servir. Et bien, par rapport au présidentiel, non? Il a servi quelqu'un à quelque chose à quelqu'un, effectivement, mais pas un verre de vin. C'est du liquide, mais pas du vin. De l'alcool. C'est, ça se boit pas. Ça se boit pas. Sauf si t'as envie de mourir. De la Javel? Non, oui, mais non. Mais qu'est-ce que tu veux, quoi? Quel est le rapport avec la phrase? En plus, il a béni quelqu'un avec genre de l'eau bénite. Non, et... non, il lui a rendu un service en faisant quelque chose à sa place. Il lui a servi du liquide qui sert à faire avancer des voitures. Ah, il a mis l'essence à quelqu'un, d'accord. Ouais, alors je sais pas qui a répondu en premier. De l'essence. Ah, je pense que c'est moi qui l'ai dit le plus fort. Non. Mais attends, celui qui a dit essence ne récolte pas le point là. Bah c'est... non, c'est celui qui a dit Jean Lassalle, enfin à un moment donné. Bah, c'est celui qui a dit le vendeur de chèvres, on a tous compris de qui je parlais. Moi j'ai dit je le vous mets prénom. Un point chacun. Voilà. Super, mais non, mais arrête de lui donner des points à elle, c'est pour moi qu'il va prendre le. Voilà, c'est réglé. Mais non, toi t'es le seul qui a fait de liège encore. Bah oui, donc c'est pour ta poire. C'est pour ça que je veux gagner. Alors du coup, il y a la vidéo disponible sur internet. En fait, c'est un conducteur qui faisait la queue dans la file d'attente qui a filmé la scène. Et Jean Lassalle, il a servi l'essence à quelqu'un comme un pompiste. Il lui a dit, compte tenu du prix des carburants dans notre pays et de l'image dégradante qu'on nous a collée en nous en servant, je crois qu'il est du devoir de tous ceux qui croient encore à la France de vous servir, monsieur. C'est beau. C'est beau, hein. D'accord. Ouais, alors non, c'est pas très beau. Et il a payé, du coup. Il a pas payé. Ah oui, d'accord, bah, il super. Il a juste donné sa carte de visite. Ah, oui, ah bah super. Et il a, c'est lui-même qui a tweeté la vidéo sur son Twitter. Il l'a mis à votre service. Alors il cherche le buzz, hein, parce qu'il y a quelques semaines, il avait fait la tournée des bars à Toulouse. Hein, donc Jean Lassalle. Tu as plus de chances de le voir chez lui ou dans un bar qu'à l'Assemblée nationale. Moi, j'aimerais bien prendre un verre avec un homme politique. Franchement, ça n'arrive jamais. Moi, j'aimerais bien. Bah, on peut c'est te... sympa. Je peux te réserver un créneau. Tu avec Jean Lassalle. Jean Lassalle. Le vendeur de chèvres. Je ne comprends pas que j'ai dit ça et que Mélie ait compris quand même. C'est Monsieur Seguin, du coup. C'est ça. Enfin, bref, allez, on va repartir aux États-Unis où il s'est passé quelque chose de très, très, très, très chelou dans un festival. Ah, il n'y a pas eu des morts? Non, bah, il y en a souvent, mais c'est carrément. Ouais, non, c'est normal, j'avoue. Il n'y a pas une tornade, une. Non, c'est vraiment en rapport avec le concert en lui-même. D'accord. Donc, c'est ce qui s'est passé sur scène qui est bizarre? Oui. Il y a un truc qui a explosé? Non. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessé. D'accord. C'est un des membres du groupe qui a fait quelque chose. Oui. Il s'est déshabillé. Pour faire, oui. Ça, je pense qu'il a fait caca ou pas bon, il a uriné sur la foule ou un truc comme ça. Eh ben, je te donne le point. Ouais. Effectivement, quoi alors en fait, c'était la chanteuse du groupe Brass Against qui a fait monter un spectateur sur scène lors d'un concert avant de lui uriner au visage. D'accord. Lors du festival Welcome to Rockville en Floride, donc la chanteuse a convié un fan à monter sur scène. Elle s'est mise au-dessus de lui, elle a enlevé son pantalon, elle lui a pissé dessus. Non, voilà. Mais il était consentant. Est-ce qu'il était content? Attends, mais... parce que la vidéo est dispo sur internet et comme je suis quelqu'un de très acharné au travail, j'ai regardé la vidéo. Le mec s'en balèque total. C'est normal. Il reste quoi. En dessous de musique, il va peut-être se barrer. Et... Mais je pense que vu ce qu'elle avait picolé, à mon avis, ça devait juste avoir le goût de vodka, tu vois. J'avoue, le gars, il s'est fait un petit shooter, tranquille. Alors, la vidéo de la scène a fait des milliers de vues et le groupe, hein, du coup, est un peu dans le caca. Ah, ils sont un peu dans la sauce. Ouais. Et du coup, ils ont fait un communiqué où ils disent: nous avons passé un bon moment hier soir à Welcome to Rockville. Sophia s'est emportée, ce n'est pas quelque chose que nous attendions et que vous verrez à nouveau dans les concerts. Donc, ceux qui avaient envie de taper, c'est sûr. C'était maintenant ou jamais. C'est ça. On a un petit peu débordé, là, désolé. On reste dans le monde de l'artiste et on a un acteur qui veut devenir le futur James Bond. Est-ce que vous l'avez entendu? Qui est cet acteur? Ah, ça me dit quelque chose. Mais ah oui, c'est moi pas son nom. Je l'ai pas, mais ça me dit quelque chose. C'est pas celui qui joue dans Dune ? Non. Bon, non. Alors je suis pas au courant. C'est un acteur très connu qui a joué dans une franchise culte qui a eu 9 films. Jean Dujardin. Non. Qui a eu 9 films ? Ouais. Ouais, des films où il y en a eu 9, il n'y en a pas. Ah, moi 5. J'allais dire Louis de Funès, mais Harry c'est pas possible, tu vois. Oui, parce que. Harry oui, Potter, Louis de Funès dans James Bond. Je me disais, attends, déjà il est décédé, donc ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a eu 9 films Un film avec des grosses bagnoles. Ah, est-ce que c'est ta Fast and Furious ? C'est Vin Diesel avec bah, c'est le gros là, ouais. Vin Diesel musclé. Le gros. C'est pas Vin Diesel ? Non. Eh bah si, c'est lui, non ? C'est pas le l'acteur. Si je te dis que c'est lui. Non, mais tu sais. Si, c'est lui, c'est le. Comme ça, là. Ah, oui. Oui, mais je crois que vous l'avez, mais vous l'avez ouais, pas. J'ai pas compris. The Rock. Oui, The Rock. The Rock. Oui, bon bah voilà, le si gros vous musclé. Vous pouvez encore trouver son nom et son prénom, c'est pas son vrai nom, hein, The Rock. Ah là, j'ai mis une colle à tout le monde. Le trou terrible. Ah. Ça range ton téléphone, toi. Tu rigoles, c'est triche. Bon, bah, je vous dis, c'est Dwayne Johnson. Ouais, ok. Voilà, il a dit carrément qu'il aimerait bien jouer le nouveau James Bond. Il pense que le rôle lui va comme un gant, lui qui est un habitué des grands films d'action, d'aventure et de castagne. Et en plus, son grand-père a joué un méchant dans James Bond un jour. Pitié, donc, il va pas dire. Ça. Ouais, j'avoue, je pense que ça serait vraiment horrible. C'est clair. Allez, on va partir sur la dernière info de la matinée. Vous voulez un truc de la matinée ? Il est 18h56. un truc drôle ou pas drôle ? Un truc drôle. Allez, on pas a drôle. Autorisé la consommation de quelque chose en Europe. De cannabis ? Non. Bah, ça va être un peu facile. Oui. Bah oui, de la consommation d'absinthe. Non. Est-ce que ça se mange ? J'étais en train de prendre bah de l'essence, oui. Tu sais. Non, tu c'est un truc qui se consomme par voie buccale et qui s'avale. D'accord. Cette phrase est très... Oui, Michel Simès, nous sommes d'accord. Ok, définition de manger. Je suis en train de chercher un truc qui est pas légal. Consommation... Pas bah, c'est pas que c'est pas légal, mais c'est pas le premier truc qui te vient à l'esprit quand t'as un petit creux. Quoi. Est-ce que c'est un produit de la mer ? Non. De la terre. Oui. Genre un légume ou un truc comme ça, une plante ? Non. C'est pas végétal ? Un animal. Oui. Donc on a... que réponds, oui ou non ? Est-ce que c'est un rapport avec la chasse ? Genre on a autorisé non. une chasse en plus ? Non. Okay. On a autorisé la consommation d'autruches ? Non, mais vous étiez approché d'animaux, avec... D'animaux jeunes, peut-être D'animaux exotiques ? Non, pas forcément des animaux. D'accord, des insectes. Du coup, ouais. Donc on a autorisé le mangeage de vers de terre. Exact. Bon, allez, je donne le point. Les vers de farine. Les vers de farine. Mais avant, c'était interdit. C'était pas explicitement voilà. autorisé. Okay. L'Union européenne a validé officiellement la mise sur le marché du criquet migrateur. Ah non, du coup, j'ai donné la mauvaise bah, les vers de farine, c'était la première. En fait, c'était arrivé au mois de juin. D'accord. Et okay. en fait, maintenant, ils ont autorisé les vers. Les criquets migrateurs. Les criquets migrateurs. Plus, les vers de farine ayant été autorisés en voilà, juin. D'accord. Okay. Et du coup, vous pourrez le trouver en version surgelée, séchée ou en poudre. Et ça sera vendu comme un snack. Voilà, donc à la place du hot dog ou des petites chips, un petit criquet migrateur. Non, en vrai, moi j'ai envie d'essayer, alors, j'ai envie de tester. Hein. C'est autorisé parce que c'est identifié comme une source de protéines alternative susceptible de permettre un système alimentaire plus durable. D'accord. Plus durable. Et du coup, est-ce que les végans ils acceptent de manger des insectes ? Je ne pense pas. Ah bah non. Bah c'est un peu bizarre. Oui, c'est un être vivant. Bah ouais, ça passe pas. Bon, du coup, j'annonce directement le vainqueur. J'ai pas compté les points, mais j'ai l'impression que Charles a répondu juste à toutes les questions. Eh, tu rigoles ou quoi ? J'ai tout donné, moi. C'est toujours l'animateur qui a raison. Mais non, mais c'est pas juste. C'est pas juste, mais il a gagné. Bah, allez, tout de suite. Est-ce que pas, t'as gagné à moi ? Vous avez pas regardé parce qu'il est 18h58. Il y a tout le monde qui m'attend en dehors de Fadjet si je ne lâche pas le studio. Oui, bah ouais, ok. Non, mais bah il a ouais. gagné à mon jeu, je gagnais à son jeu. C'est cette bonne guerre, c'est voilà. Et bah, du coup, il est 18h58 et bientôt 18h59 secondes. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Charles, bien, bravo pour cette victoire haut la main. Tu pourras choisir le gage, mais pas tout de suite parce qu'on n'a pas le temps. Oui, exactement. De toute façon, j'ai pas d'idée dans les 3 secondes qui viennent, donc tant pis. On va pas mentir non plus, on n'a pas le temps. On se retrouve dans 2 semaines, donc ça sera le jeudi 2 décembre, si je ne me trompe pas. En tout cas, ouais. le jeudi près du 2 décembre à 18h. je voulais juste faire une petite parenthèse c'est pour ça. Vous dire, pour ceux qui aiment le spectacle et l'improvisation théâtrale, qu'il y a un spectacle d'improdisiaque ce samedi à 20h30 à la MJC Pichon. Les places sont en vente à 4€ sur internet. Vous allez rigoler. Pleurer peut-être, on ne sait jamais, et en plus ça fera vivre une petite association. Je remercie Camille, Charles et Mélie pour cette super émission. Charles, tu as gagné. Mélie, merci Gélone pour cet animateur. Parce que tu es une mauvaise joueuse. Tu peux répéter qui a gagné ? Charles. Ok, ouais. Bon, allez, on va se laisser là-dessus. Charles, tu as gagné. À dans 2 semaines. Hey, ciao tout le monde. Salut. Salut.